Inch'Allah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc on commence maintenant le cours numéro 6 dans notre série de cours sur l'explication du livre de Cheikh Abdelaziz ibn Baz, Naqdul Qawmiyah al-Arabiyah, c'est-à-dire la critique et la réfutation du nationalisme arabe, et en même temps également de toutes les autres formes de nationalisme qui existent. Parce que toutes les formes de nationalisme, elles sont en opposition avec l'islam. Et yani, quand il s'agit des peuples musulmans, des différents peuples musulmans, eh bien, c'est clair qu'ils n'ont pas le droit de se rattacher ou de se rallier les uns avec les autres au nom du nationalisme ou au nom du tribalisme ou au nom d'une ethnie ou au nom d'une autre cause ou une autre chose qui peut diviser leur unité, que ce soit un madhab, que ce soit une tariqa, que ce soit une jama'a, que ce soit une firqa, que ce soit un parti politique, que ce soit un parti religieux, peu importe. Ils n'ont pas le droit de se diviser pour quoi que ce soit. Ils ont l'obligation et le devoir d'être un seul et unique groupe. Tous les musulmans ont le devoir d'être une seule un seul et unique groupe et d'être tous réunis par la foi en l'islam. Et ils ne doivent pas laisser rien les diviser. Peu importe qu'est-ce que ça peut être. Et encore moins une ethnie ou une nationalité ou une citoyenneté ou peu importe qu'est-ce que ça peut être. Donc ça, c'est fondamental et c'est très, très important. Des fois, dans un même pays, tu vois, des gens qui se détestent alors qu'ils sont musulmans, ils sont les deux du même pays. Ils ont tous les deux la même nationalité, si on veut, et ils se détestent les uns les autres. Donc même la nationalité ou la nationalité ou le fait d'appartenir à une nation, c'est pas un garant d'harmonie et d'union ou d'être soi-disant unis. La preuve de ça, c'est que dans beaucoup de pays, il y a des gens qui se détestent. Il y a des groupes ethniques qui se détestent dans le même pays alors qu'ils ont la même nationalité. Et même parfois, qu'est-ce qui est triste, c'est que ces gens-là sont des gens qui se disent musulmans. Et parfois, tu trouves ça aussi dans d'autres pays où les gens sont des chrétiens qui se détestent entre eux. Et donc ça, c'est des choses qu'on retrouve partout dans le monde. Mais lorsque c'est des gens qui se disent musulmans, c'est quelque chose qui est grave parce que c'est quelque chose qui est en contradiction totale avec les enseignements de l'islam. Et ça, on va le voir aujourd'hui, Inch'Allah. Puisque le point auquel on est rendu, c'est le point numéro 3 dans les arguments de preuve de réfutation contre le nationalisme et les preuves de la fausseté du nationalisme et de ceux qui appellent au nationalisme. Et c'est la question de Al-Wala wal-Bara. La question de Al-Wala wal-Bara qui prouve justement que le nationalisme est quelque chose qui est en opposition totale avec les fondements de l'islam, puisque dans l'islam, le musulman, il doit aimer tous les musulmans et il doit détester les koufars et peu importe leur origine, même s'ils sont même de leur propre famille. Donc tout ça, on va voir l'explication de ça maintenant avec les explications de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Donc le Cheikh Ibn Baz, il dit « Al-wajhu thalith min al-wujuh dallati ala butlani da'wati ila al-qawmiyyat al-arabiyyah » وهو أنها سلم إلى موالاة كفار العرب وملاحدتهم من أبناء غير المسلمين واتخاذهم بطانة والاستنصار بهم على أعداء القوميين من المسلمين وغيرهم ومعلوم في ما في هذا من الفساد الكبير والمخالفة لنصوص القرآن والسنة الدالة على وجوب بغض الكافرين من العرب وغيرهم ومعاداتهم وتحريم موالاتهم واتخاذهم بطانة والنصوص في هذا المعنى كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. سبحان الله، ما أصدق قوله، ما أصدق قوله وما أوضح بيانه. هؤلاء القوميون يدعون أو يدعون إلى التكتل حول القومية العربية مسلمها وكافرها، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن يعود الاستعمار إلى بلادنا، نخشى أن تسلب ثرواتنا من أيدينا أو بأيدينا أو بأيدي أعدائنا، فيوالون لأجل ذلك كل عربي من يهود ونصارى ومجوس ووثنيين وملاحدة وغيرهم تحت لواء القومية العربية، ويقولون إن نظامها لا يفرق بين عربي وعربي وإن تفرقت أديانهم. فهل هذا إلا مصادمة لكتاب الله ومخالفة لشرع الله وتعد لحدود الله وموالاة ومعاداة وحب وبغض على غير دين الله؟ فما أعظم ذلك من باطل، وما أسوأه من منهج. القرآن يدعو إلى موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين أينما كانوا وكيفما كانوا، وشرع القومية العربية يأبى ذلك ويخالفه. قل أأنتم أعلم أم الله؟ يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قوله تعالى: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ونظام القومية يقول: كلهم أولياء مسلمهم وكافرهم. والله يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ويقول سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وشرع القومية، أو بعبارة أخرى شرع دعاتها، يقول: أقصوا الدين عن القومية وافصلوا الدين عن الدولة وتكتلوا حول أنفسكم وقوميتكم حتى تدركوا مصالحكم وتستردوا أمجادكم. وكأن الإسلام وقف في طريقهم وحال بينهم وبين أمجادهم، وهذا والله هو الجهل والتلبيس وعكس القضية. سبحان الله، هذا بهتان عظيم. Donc on va traduire cette partie et on continuera à la suite. Le cheikh explique donc que le troisième point dans la réfutation du nationalisme arabe, et pour montrer la fausseté de cette da'wa qu'ils font, c'est de comprendre premièrement que c'est en contradiction avec al-wala wal-bara. Et le cheikh explique que elle s'est soumise à l'idée donc de prendre pour allier tous les koufars, du moment qu'ils sont arabes, de prendre pour allier tous les koufars arabes ainsi que tous les athées arabes, du moment qu'ils font partie des arabes, qu'ils fassent partie des musulmans ou non. Et yani, de les prendre comme confidents, comme conseillers rapprochés et de chercher leur support et leur aide contre les ennemis des nationalismes ou des nationalistes, yani que ce soit des ennemis musulmans ou non musulmans. Et on sait très bien qu'il y a dans ça un grand désordre, une grande corruption, puisque yani, c'est en contradiction claire et apparente avec les textes du Coran et de la Sunna qui prouvent l'obligation de détester les mécréants, qu'ils soient arabes ou non arabes, et de les détester, bien entendu, dans le sens religieux, de les détester pour leur coffre et leur shirk et leur contradiction avec la vérité, et leur opposition avec la vérité, et de les prendre, d'aller les prendre comme ennemis, et l'interdiction claire dans le Coran et dans la Sunna de les prendre pour alliés ceux qui, yani, sont des koufars et des mouchriquins, ou de les prendre comme confidents ou comme conseillers ou autres. Et le cheikh explique ici plusieurs textes dans le Coran qui confirment cette signification-là. Et il y en a de nombreux versets à ce sujet justement, parce qu'il y en a plusieurs versets dans le Coran qui confirment ce principe, qui fait partie des principes parmi les plus fondamentaux de l'islam. Al-Wala wal-Bara, c'est un principe qui est compris par yani, les musulmans depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque yani, il est répété dans des dizaines et des vingtaines de versets dans le Coran. Et le cheikh, il cite un verset dans Sourate Al-Ma'ida, le verset 51 et 52, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit: « Ô vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés. Hein? Ils sont alliés les uns des autres à cause de leur mécréance. » Et il dit: « Et quiconque d'entre vous les prend pour alliés est un des leurs. Hein? Certes, Allah ne guide pas les peuples injustes. Et tu vois ceux qui ont une maladie dans leur cœur, qui se précipitent vers eux en disant: nous craignons qu'un revers de situation nous touche. On craint qu'on soit touché par un revers de situation. Il y en a da'ira. Que la situation change et puis que ce soit en notre avantage justement d'avoir ces gens-là comme alliés. Si jamais nous-mêmes, on a une situation de faiblesse. Ceux qui ont cette mentalité-là ou cette idée-là, eh bien, c'est les munafiqines, bien entendu, les hypocrites, puisque Allah les a décrits comme ceux qui ont une maladie dans leur cœur. Ils se précipitent vers les juifs et les chrétiens pour chercher leur alliance et pour les prendre pour alliés. Allah al-Musta'an. Et le cheikh, il dit ici dans l'explication de ce verset, il dit: Subhanallah. Regardez comment la parole d'Allah Azza wa Jal est véridique. Et regardez à quel point elle est claire, sa clarification. Puisque ceux-là, hein, ceux qu'on voit aujourd'hui parmi les nationalistes, eh bien justement, c'est ça leur discours. Hein. Lorsqu'ils appellent les Arabes à s'unir autour de leur arabité, hein, qu'ils soient musulmans ou mécréants, ils disent: nous craignons un revers de situation. Nous craignons que les colonisateurs reviennent dans nos pays. Nous craignons que nos richesses nous soient volées par leurs mains. Et à cause de ça, ils veulent prendre pour alliés tous les Arabes, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient des majus, qu'ils soient des idolâtres, des athées, ou peu importe leur religion. Hein. Communiste, nationaliste, ou bien socialiste, ou bien laïque, peu importe. L'important pour eux, c'est qu'ils soient d'accord de porter cette bannière nationaliste arabe. S'ils acceptent, alors peu importe leur état, peu importe leur croyance, peu importe qu'ils soient des koufars, des mouchriquins, des athées, des égarés, des hérétiques, des gens de bid'a, les mouchriquins, n'importe quoi. C'est pas important pour eux. Pourquoi? Parce que leur système ne distingue pas entre un arabe et un autre. Pour eux, tous les arabes sont pareils, peu importe, même si leur religion est différente, hein, c'est pas grave. Et ça, le cheikh explique que c'est en opposition totale avec le livre d'Allah et en contradiction totale avec la législation d'Allah et en transgression totale avec les limites que Allah Azza wa Jal a établies et en contradiction également avec le fait de respecter le principe de Al-Wala wal-Bara et le fait de prendre pour allié ce que Allah aime et de prendre en ennemi ce que Allah déteste et d'aimer et de détester pour Allah. Donc tout ça, ça signifie que le nationalisme appelle donc les gens à aimer et à détester pour autre que la religion d'Allah. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est parmi les plus grandes formes de fausseté et d'égarement qui soient, et une des formes de méthodologie parmi les plus mauvaises qui soient. Et ça, c'est commun chez tous les nationalistes, peu importe leur origine, peu importe leur couleur, peu importe leur pays. Ce n'est pas seulement les nationalistes arabes, tous les nationalistes, que ce soit le nationalisme turc ou le nationalisme kabyle ou berbère ou amazigh, ou que ce soit le nationalisme africain ou l'afrocentrisme, ou que ce soit le nationalisme indien, ou que ce soit le nationalisme chinois, ou que ce soit le nationalisme de n'importe quel autre pays. Cette idée de nationalisme qu'on veut placer au-dessus de la religion, au-dessus de la charia d'Allah, c'est ça le résultat. Peu importe. Et le cheikh, il explique ici que le Coran appelle à prendre pour allié les croyants et à prendre un ennemi les mécréants, peu importe qui ils sont, peu importe où ils sont. Et là, par contre, la législation des nationalistes arabes, elle refuse ça. Et elle contredit ça. Et Allah Azza wa Jal, il dit, « قُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ » C'est le verset 140 dans Surat Al-Baqarah, dit au Muhammad, « Est-ce que c'est vous qui savez plus ou bien c'est Allah ?» Bien entendu, c'est Allah. Allah, c'est mieux. Alors comment vous venez avec quelque chose qui contredit sa religion? Et Allah Azza wa Jal, il dit également dans le verset, dans Surat Al-Mumtahana, le verset 1 ainsi que le verset 4 qu'on va lire après. Le verset 1 dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie « Oh vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi ainsi que votre ennemi en leur offrant l'amitié. » Et ensuite, à la fin du verset, Allah Azza wa Jal dit « Et quiconque fait cela parmi vous, c'est certes égaré de la droiture du sentier. » Et ensuite, le cheikh explique, il dit que le système nationaliste, il dit qu'ils sont tous des alliés. C'est-à-dire, tous les Arabes sont des alliés, des Arabes, peu importe qu'ils soient musulmans ou kafirs. Alors que Allah Azza wa Jal, il nous a montré l'exemple à suivre dans le peuple, dans Abraham, comment il agit avec son peuple. Et il dit dans le verset 4, dans Surat Al-Mumtahana, يا أيها الذين آمنوا pardon le verset 4 dans sourate Al-Mumtahana شرع لكم من الدين. Non, ça c'est le verset dans sourate Shura, le verset 13 en premier. Allah Azza wa Jal, il dit, il a légiféré pour vous de la religion ce qu'il avait enjoint à Noé, Nuh alayhi salam, le prophète, et ce qu'il a également révélé à toi, c'est-à-dire au prophète Muhammad sallallahu alayhi salam, et ce qu'il a enjoint également Abraham, ainsi que Moïse et Jésus, c'est-à-dire d'établir la religion, d'appliquer, d'établir la religion dans sa pratique, dans sa croyance, dans tous ses aspects, et où il dit « وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ » c'est-à-dire vous n'avez pas le droit de vous diviser dans la religion. Vous n'avez pas le droit de vous diviser entre vous, par rapport à, vis-à-vis de la religion. C'est-à-dire que vous êtes obligés d'être unis ensemble sur cette foi, sur cette croyance et sur cette religion-là. Et qu'il ne peut pas y avoir ou il ne doit pas y avoir entre vous de division. Donc ça veut dire que tout ce qui vient diviser les musulmans, c'est en contradiction avec l'islam. Et par conséquent, donc, le nationalisme est une forme d'hérésie, une forme d'égarement parce que ça divise entre les croyants. Et il mentionne ensuite le verset 4 dans Surat Al-Mumtahana, dans lequel Allah Azza wa Jal dit, il y a certes pour vous un modèle, un bon modèle à suivre, un bon exemple à suivre en Abraham et ceux qui étaient avec lui, lorsqu'ils dirent à leur peuple, « Nous nous désavouons de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions et entre nous et vous s'installe l'animosité et la haine pour, hein, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. » Jusqu'à ce que vous acceptiez de croire en Allah seul, c'est-à-dire que vous acceptiez de n'adorer que lui, hein, et de rejeter tout ce que vous adorez en dehors de lui. Ça, c'est la parole d'Abraham. Donc, on voit clairement dans la position d'Abraham que ça, c'est l'exemple que Allah Azza wa Jal nous ordonne de suivre. Puisqu'il nous dit au début du verset, « قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » Il y a un bon exemple, un bon modèle à suivre en Abraham lorsqu'il a dit ça à son peuple. Et il ne parle pas à des gens étrangers à lui, ou à des gens de d'autres pays, ou à d'autres origines, ou d'autres ethnies, ou d'autres... Non, il s'adresse à son père, il s'adresse à son peuple. Hein? Et il leur dit, nous nous désavouons de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions et il y a cette animosité-là qui existe et qui va toujours exister entre nous. Et cette haine, jusqu'à ce que vous acceptiez de croire en Allah seul. Donc ça, c'est cette parole que Abraham a dit. Eh bien, elle doit être également appliquée et suivie par tous les musulmans sur terre, peu importe leur peuple. Et qu'est-ce qui est bien encore aussi, parce que le cheikh il l'a pas mentionné ici dans ce verset-là, dans cet exemple-là, mais il y a un verset ensuite, le verset 6, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit, il répète encore une fois qu'il y avait... chez eux, un bon exemple à suivre pour celui qui croit en Allah et au jour dernier. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرُجُّ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ Donc, ça c'est encore un rappel encore une fois à ce sujet-là. Et il dit, dans le verset qui suit après le verset 8, le verset 7, عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةٌ Wallahu qadir, wallahu ghafurur rahim. C'est-à-dire, il se peut que Allah Azza wa Jal, et quand Allah dit asa dans le Coran, ça veut dire que c'est quelque chose qui va se produire. Donc Allah va établir entre vous et ceux que vous avez pris en animosité de l'amour. Et comment il va établir cet amour-là? Les ulama ont expliqué, c'est-à-dire que parce qu'ils vont se convertir à l'islam. C'est parce qu'ils vont accepter la foi. Et par conséquent, celui qui accepte la foi, après avoir accepté la foi, même s'il était auparavant mushrik ou kafir, du moment qu'il accepte la foi en Allah seul et qu'il rejette le shirk, il devient notre frère en religion. Et même si avant d'être musulman, il a pu commettre les pires crimes et il a pu même tuer des musulmans, du moment qu'il se convertit à l'islam, il devient notre frère en Allah et il est par la suite obligatoire pour nous, bien entendu, de le prendre pour frère et comme allié. Puisque la base de la foi, c'est le principe sur lequel s'est établi en islam l'amour entre les hommes et entre les femmes. Et le cheikh, il explique, même si tu regardes dans la suite du verset, dans la continuité du verset, Allah Azza wa Jal, il dit ensuite dans Surat Al-Mumtahana, « La yanhaakum Allahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. » Ce verset-là aussi est important pour nous faire comprendre la question de Al-Wala wal-Bara, puisque dans ce verset, Allah Azza wa Jal, il nous dit, « Allah ne vous interdit pas d'être bon et d'être juste envers ceux qui ne vous ont pas combattu dans la religion et qui ne vous ont pas expulsé de vos demeures. Certes, Allah aime ceux qui sont justes. » Donc, c'est-à-dire que les koufars qui sont justes avec les musulmans, eh bien, on a le devoir d'être juste envers eux et d'être bon envers eux. Et par conséquent, également, bien entendu, de les appeler et de les inviter à la foi. Et Allah, Azza wa Jal, dans le Coran aussi par rapport à al-wala wal-bara, une chose importante à clarifier, c'est que même si nos parents sont des kuffars, ils nous ordonnent quand même d'être avec eux, avec des bons, un bon compagnon pour eux dans la vie, et de leur obéir dans tout ce qui est bien. De leur obéir dans tout ce qui est bien et de les respecter, hein, en tant que nos parents, puisque hein, ils sont ceux qui nous ont mis au monde, comme on dit, et comme Allah Azza wa Jal, il le mentionne dans le Coran, يعني وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Allah Azza wa Jal, il dit, et nous avons enjoint à l'homme d'être bon envers ses parents. Et s'il te force à associer avec moi quelque chose dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais sois un bon compagnon pour eux dans la vie d'ici-bas. C'est-à-dire, agis avec eux correctement. Et ça, c'est important aussi pour comprendre que même si tes parents sont des koufars, ça ne veut pas dire que tu dois agir mal envers eux, ou que tu dois être injuste envers eux, ou que tu dois leur manquer de respect, yani, parce qu'il y a yani, l'obligation dans l'islam pour le musulman d'être bon et d'obéir à ses parents dans le bien. Toutefois, s'il t'ordonne un péché, alors tu désobéis hein, dans cet ordre-là, mais tu restes obéissant dans le reste. Et également, de façon générale, même si tu dis que les koufars, on les déteste pour Allah parce qu'ils détestent la vérité ou parce qu'ils rejettent la vérité, n'empêche qu'on doit être bon et juste avec eux, et on n'a pas le droit de faire de l'injustice ou du tort aux koufars, même si on les déteste. Hein? Même si on les déteste pour Allah et pour la religion. Parce que c'est une haine religieuse et non pas une haine pour la dunya ou pour les intérêts matériels. Hein? C'est une haine qui est basée sur la foi. D'accord? Et cette foi, si ces gens-là l'acceptent, eh bien, cette haine, elle disparaît automatiquement. Elle doit s'en aller. Elle est remplacée par de l'amour. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hein, qui a combattu des mouchriquines qui s'opposaient à l'islam pendant longtemps. Ils ont tué des musulmans, ils ont fait beaucoup de choses même contre l'islam et contre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et finalement, lorsqu'ils se sont convertis à l'islam, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a jamais demandé des comptes pour le mal qu'ils ont fait avant l'islam, et il ne leur en a pas voulu, hein, et il ne s'est pas vengé non plus de qu'est-ce qu'ils avaient fait avant, hein. Tout ça s'est effacé. Donc ça, c'est important de le comprendre, et c'est ça le plus important, hein, d'appeler les koufars et les mouchriquines à l'islam pour que Allah les fasse rentrer au paradis. Ça, c'est le plus important des objectifs. Ensuite de ça, le cheikh explique d'autres versets aussi, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui parlent de ce sujet-là. Le verset, par exemple, 22 dans Surat Al-Mujadala, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier et qui en même temps aime ceux qui s'oppose à Allah et à son messager. Même si ceux qui s'opposent à Allah et son messager seraient de leur propre peuple, c'est-à-dire même si c'était leur père, leur frère, même si c'était leur père ou leur fils, leur frère ou leur famille. D'accord? Donc ça veut dire que quand Allah il dit tu n'en trouveras pas, ça veut dire que c'est impossible. Et si ça existe, ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas la foi. Et c'est pour ça qu'il dit, tu ne trouveras pas de peuple qui croit en Allah et au jour dernier et qui en même temps aime ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Et ça, c'est pas juste lorsque les gens qui s'opposent à Allah et au messager sont des étrangers de d'autres peuples, de d'autres origines, de d'autres ethnies, de d'autres couleurs, de d'autres langues. Ça, l'islam ne tient pas compte de ça. Hein? Que le kafir soit arabe ou africain, ou européen, ou italien ou grec ou juif ou asiatique ou chinois ou peu importe de son origine, hein, si le musulman il est de n'importe quelle origine, qu'il soit arabe ou qu'il soit européen ou qu'il soit yani, asiatique ou qu'il soit yani, d'Amérique du Nord ou du Sud, peu importe. Qu'est-ce qui est important, c'est de savoir est-ce que c'est un mu'min, est-ce que c'est un croyant ou est-ce que c'est un kafir. Si c'est un mu'min, c'est ton frère. Si c'est un kafir, c'est ton ennemi, c'est pas ton frère. C'est ça le principe de base. Et donc, même si c'est ton frère, même si c'est ton père, même si c'est ta famille, même si c'était ton propre fils, mais qu'il est un kafir, il est ennemi d'Allah et de son messager, il déteste l'islam, alors dans ce cas-là, yani, tu ne peux pas l'aimer parce qu'il est, il est un kafir, ennemi de la religion. Et ça, on a vu l'exemple. Il y a beaucoup d'exemples aussi dans l'exemple, même dans la vie des prophètes. On regarde l'histoire de Nuh, alayhi salam. Son propre fils, qui a refusé de monter avec lui dans l'arche, et qui est mort noyé, hein? Et quand il a dit à Allah, hein, c'est mon fils, hein, il est de ma famille. Et qu'est-ce que Allah Azzawajal lui a répondu? Il n'est pas de ta famille. Hein. Son acte n'est pas bon. Hein. Son œuvre n'est pas bonne. C'est pas quelqu'un qui aime le bien. Regardez la femme de l'autre. Hein. La femme de Lot qui a péri avec le peuple de Lot. Pourquoi? Parce qu'elle était avec eux. Le fait d'avoir été mariée avec Lot, ça ne l'a pas sauvée. L'exemple d'Ibrahim, alayhi salam, avec son père. Son père était un mouchrik. Et lui, Ibrahim, alayhi salam, c'était son fils qui croyait en Allah. Est-ce que le fait d'avoir été le fils d'Ibrahim, ça a sauvé le père d'Ibrahim? Non. Hein? Et la même chose également, on a vu d'autres exemples comme ça aussi. Et tout ça, c'est pour nous faire comprendre que la vraie relation qui est la plus importante entre les hommes et qui va être la plus importante au jour de la résurrection, c'est la relation de la foi. C'est le lien de la foi. Et donc, le cheikh explique, il dit, donc, ça c'est ce qui est établi dans l'islam. Donc, que tu sois, hein, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui le premier peuple qui a combattu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le premier peuple sur terre qui a combattu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hein, c'est les Arabes. Et le premier peuple qui a secouru le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est les Arabes aussi. Donc, ça veut dire que, yani, autant il a eu des gens parmi les Arabes qui l'ont supporté, qui l'ont défendu, qu'il y en a eu également qui l'ont combattu et qui se sont opposés à lui. Donc ceux qui disent que l'islam c'est une religion d'Arabes et que c'est une religion pour les Arabes, hein, on entend ça beaucoup chez des gens, des peuples qui ne sont pas musulmans par exemple, et lorsqu'on leur parle de l'islam ou qu'on les invite à l'islam, et puis la première réaction qu'ils ont, c'est de dire, ça c'est la religion des Arabes. Hein? Et ça, on entend souvent ça, subhanallah, chez nous, dans les pays des Antilles. Par exemple, quand tu vas chez les Haïtiens ou bien chez les Martiniquais, il y a le frère Abdul Karim, dernièrement, qui avait fait une conférence justement à ce sujet-là. Et c'est des choses qu'on entend même dans nos proches, parmi des gens de nos proches, et même ici au Québec. Moi, je me rappelle même, parce que ma mère, du côté de ma mère, c'est des Québécois, donc ma grand-mère, la mère de ma mère, elle disait souvent ça. Elle disait, mais nous, on n'est pas arabes, on n'est pas de ces pays-là. Hein? En voulant dire, puisqu'on est du Québec, on ne peut pas être musulman. J'ai dit, non, grand-maman, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'origine. Hein? Est-ce que Jésus était québécois? Pourtant, vous êtes. J'ai dit, toi, tu es catholique, tu es chrétienne. Tu dis que tu crois en Jésus. Est-ce que Jésus était québécois? Est-ce que Marie était québécoise? Hein? J'ai dit, regarde, quand tu regardes, elle regardait les films à chaque année, il y avait à Pâques, là, puis dans la semaine de Pâques, elle regardait le film de la vie de Jésus, puis tout ça. J'ai dit, regarde dans ce film, les gens, comment ils sont habillés. Jésus, Marie, hein, comment ils sont habillés? J'ai dit, est-ce qu'ils s'habillent comme des Québécois? Ou bien s'habillent comme des musulmans? Hein? Là, elle ne savait pas quoi dire. Hein? Comment elle peut dire quoi que ce soit? Elle ne peut pas débattre avec ça. Et c'est la même chose aussi avec les Haïtiens. Ils pensent que Jésus est un Haïtien. Il y a beaucoup d'Haïtiens, ils pensent que Jésus est Haïtien. Hein? Ils disent, ah, ça c'est religion arabe. Nous-mêmes, ce n'est pas arabe, nous y est, c'est Haïtien. On est des Haïtiens, on ne veut pas accepter la religion des Arabes. J'ai dit quoi? J'ai dit, vous acceptez la religion de Jésus? Et Jésus n'était pas haïtien, pourquoi vous acceptez pas la religion des Arabes? Déjà l'ethnie de Jésus, si on regarde par rapport à l'origine ethnique, eh bien l'ethnie de laquelle Jésus appartient est beaucoup plus proche de celle des Arabes que de votre culture. Et déjà, même la culture des Hébreux à l'époque, ou des fils d'Israël, il y a beaucoup de ressemblances, beaucoup de choses en commun. Déjà, Ibrahim, alayhi salam, son fils, Ismaïl, s'est marié avec des Arabes. Hein? Yani, pas besoin de rentrer dans tous les détails, mais tout ça pour dire, yani, le fait que quelqu'un, par exemple, dise non, moi je ne suis pas arabe, je ne peux pas être musulman, ça c'est absurde. C'est ridicule. Puisque le message de l'islam, il est universel. C'est pour tout le monde. C'est pour tous les peuples. Et alhamdoulillah, on le voit ça de toute façon, depuis le début. C'est pas comme dans le christianisme, malheureusement, qui ont déformé complètement le message de Jésus depuis le début. Hein, et qui ont pris les Noirs comme des esclaves depuis le début. Et qui ont traité tous les peuples de la terre comme s'ils étaient des peuples inférieurs à eux. Allah al-Musta'an, qu'est-ce qu'on a trouvé même il n'y a pas longtemps, là, dernièrement, ici au Canada, on a trouvé des tombes dans des anciens pensionnats, des catholiques qui volaient des enfants, qui prenaient des enfants des Amérindiens, pour les amener dans ces centres de formation pour essayer de les occidentaliser, de les rendre européens ou bien de leur donner leur culture par la force, hein, et de les forcer à devenir quelqu'un d'autre, de leur enlever leur langue, de leur enlever leurs coutumes, leur culture, hein. Et de leur imposer la religion chrétienne. Alors, quand ça marchait pas, ils les tuaient, ils les agressaient, ils leur faisaient toutes sortes d'injustices. Et là, dernièrement, ils ont trouvé, je pense, plus que jusqu'à date, presque 900 et quelques tombes d'enfants. Subhanallah. Et ils continuent, là, ils sont en train d'en chercher, ils vont en trouver beaucoup d'autres. Donc tout ça pour montrer à quel point yani, cette culture occidentale, chrétienne, judéo-chrétienne, elle a fait beaucoup de tort dans le monde entier et beaucoup d'injustices. Et donc quand tu entends des peuples qui disent comme ça, ah, nous on n'est pas arabes, on veut pas de l'islam. Donc ça c'est pour montrer en fait que tout ça, c'est juste un prétexte pour ne pas accepter la vérité. Puisque dans les pays musulmans, en Afrique de l'Ouest, il y a eu des Africains musulmans depuis des siècles. Hein, ils ne sont pas arabes, mais c'est des musulmans. En Asie, la même chose. Hein. L'islam s'est propagé dans ces pays-là depuis des siècles, même depuis en Perse, dans l'Empire perse, dans le nord de l'Afrique, ce n'est pas des Arabes. Hein? Pourtant, ils sont musulmans depuis des siècles. En Indonésie, on dit que c'est le pays où il y a le plus de musulmans, le pays où il y a le plus d'habitants musulmans dans le monde, c'est l'Indonésie, hein? La Malaisie, le Pakistan, l'Inde, tous ces pays-là, c'est pas des Arabes, hein? Même en Chine, il y a des musulmans. On parle beaucoup d'eux maintenant dans les médias, les Ouïghours. Que les Chinois essaient d'assimiler. Hein? La même chose, on voit beaucoup de musulmans aux Philippines, des millions de musulmans aux Philippines, et dans Jakarta, il y en a plein, partout. Et même en Europe, maintenant, les musulmans, les mosquées, les musulmans, ça augmente de plus en plus. Des gens qui se convertissent. De toutes les origines. Et en Amérique du Sud, maintenant, même en Amérique du Sud, en Amérique latine, là où c'était fortement catholique, mais quand les gens là-bas étudient leur histoire, ils voient qu'est-ce que l'Église catholique a fait, hein, comme massacre, comme génocide, hein, au nom de la croix, au nom de l'Église. Beaucoup de gens maintenant, ils se réveillent, ils commencent à comprendre. Et là, ils commencent à étudier l'islam et voilà le message de l'islam. Hein? Donc, subhanallah. Tout ça pour dire, Yanni, que une religion qui distingue entre les nations, entre les races, entre les peuples, ça peut pas être une religion de vérité. Hein? Quand tu dis que les Noirs, ils avaient pas la même Bible que les Blancs, que les riches ils pouvaient pas s'asseoir, ils s'assoyaient en avant à l'église, mais les pauvres ils s'assoyaient en arrière, ils s'assoyaient même pas, ils restaient debout en arrière, qu'ils n'étaient pas enterrés ensemble dans les cimetières. Il y avait des cimetières pour les riches, des cimetières pour les pauvres. Des messes pour les riches, mais si tu pouvais payer là, hein, tu peux payer le prêtre pour faire une messe pour quelqu'un de ta famille. Si t'as pas d'argent, il va pas faire de messe pour ta famille. Même à un moment donné, ils vendaient des papiers pour que, si tu veux que tes parents qui sont morts, tu veux pas qu'ils aillent au purgatoire ou tu veux pas qu'ils soient châtiés après la mort, tu pouvais payer une somme d'argent à l'église pour qu'ils te donnent un papier pour les faire sortir, soi-disant, du châtiment, du purgatoire. Toutes sortes de mensonges qui ont été prêchés par ces tawarit de l'Église catholique. Nasallallahu alayhi. Et toute cette classification des peuples et des différences entre les peuples qu'ils ont classifié, hein, comme ça. Ils faisaient des études, ils calculaient la circonférence du crâne des différents peuples. Ils les analysent comme si c'était ils les analysaient comme si c'était des animaux, là. Hein? La circonférence du crâne, la forme du crâne et tout. Et ils disaient, bon, nous les Caucasiens, c'est la race supérieur. Après ça, il y a les mongoloïdes, après les négroïdes. Il y en a toutes ces choses-là. Tu lis qu'est-ce que les soi-disant médecins, là, psychologues ou psychiatres, qu'est-ce qu'ils disaient des musulmans en Afrique du Nord lorsqu'ils ont fait la colonisation, lorsque les Français ont colonisé l'Algérie, et comment ils décrivaient les peuples musulmans. Subhanallah, tu dis quoi? Ils ont dit, on est venu pour civiliser ces peuples barbares musulmans. C'est comme ça qu'ils parlaient, c'est comme ça qu'ils ont parlé. Hein? Ils pensaient que c'était eux les plus élevés, les plus civilisés du monde, et que tous les autres peuples sont inférieurs. Pourquoi? Parce que ils ont découvert deux ou trois petites découvertes scientifiques. Ils ont fabriqué une machine à laver, ça veut dire ça y est, ils ont dépassé tout le monde. Parce qu'ils roulent en Ferrari ou en Lamborghini, ça y est. Ils sont supérieurs à tout le monde. Donc, c'est ça l'origine de l'arrogance du shaitan. Le shaitan, quand il a dit à Allah qu'il refuse de se prosterner devant Adam, parce que il était orgueilleux, il a dit, moi je suis meilleur que lui, pourquoi je vais me prosterner devant lui? Alors que c'est un ordre d'Allah, tu ne discutes pas. Quand il t'ordonne de faire quelque chose, tu le fais. Mais lui, il a refusé. Et quand Allah lui a demandé, pourquoi tu refuses de te prosterner alors que je te l'ordonne? Il a dit, خلقتني من نار وخلقته من طين أنا خير منه. Je suis meilleur que lui. Donc c'est la jalousie et l'orgueil. Hein? Et pourquoi il est meilleur? Parce que qu'est-ce qui détermine que le feu est meilleur que la terre? Qu'est-ce qui a déterminé ça? C'est qui a décidé, hein, que parce que tu es de feu, tu es meilleur que de celui qui est fait de terre? Hein? Et si on compare le feu et la terre, on peut trouver dans la terre beaucoup plus de bien que dans le feu. Le feu, il a du bien, la terre, elle a du bien aussi. Mais le feu, il a du mal aussi. Et la terre aussi, peut-être, peut avoir du mal. Mais qu'est-ce qui détermine qui est meilleur que qui? C'est Allah Azzawajal qui sait. Mais tout ça, c'est comment les gens, des fois, quand ils essaient de se baser sur leur raison et qui préfèrent suivre leur passion plutôt que de se soumettre à Allah, le résultat, c'est ça. Hein? Donc, à cause de leur orgueil, c'est ça. Aujourd'hui, il y a des gens comme ça, comme Iblis. Il dit, moi non, je suis meilleur que les Noirs, je suis meilleur que les Blancs, je suis meilleur que les autres peuples. Hein? Je suis supérieur aux autres. Allah nous ta'ala. Alors que tout ça, c'est de l'orgueil. Hein? Il y a personne. Hein? Il y a personne qui est nationaliste, excepté qu'il n'a pas l'orgueil par rapport aux autres peuples. Il suit la voie du shaitan et du iblis, ça c'est certain. Et les ulama de l'islam, ils ont dit, la seule chose, si tu défends ton peuple ou ton pays, parce que c'est un pays musulman, et que tu veux préserver la religion d'Allah dans ce pays-là, donc tu combats pour que les mosquées soient pas détruites, et pour que l'adoration d'Allah reste et qu'elle soit établie, ça c'est permis. Mais si tu combats juste au nom du drapeau ou juste pour une nation, ça vaut rien ça. Et celui qui meurt pour ça, il n'est pas shahid, il n'est pas martyr. Hein? Tu te bats pour ton drapeau, t'es pas shahid si tu meurs. Le djihad ou le combat qui est vraiment dans le sentier d'Allah, c'est lorsque tu combats pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Ça, c'est fi sabilillah. Et là, à ce moment-là, oui. À ce moment-là, oui, tu vas dire oui. Tu es martyr si tu meurs. Donc, c'est ça, c'est très important de comprendre ces petites nuances-là. Parce que beaucoup de gens, malheureusement, ils s'égarent dans ces questions-là. Heureusement que, alhamdoulilah, Allah il nous a clarifié la religion et que il nous a envoyé des ulama, il nous a fait en sorte qu'on ait des ulama qui nous clarifient, hein, cette religion-là pour qu'on puisse être bien guidé par sa grâce. Et donc le cheikh, il explique, il dit que dans la législation des nationalistes et des prêcheurs qui appellent au nationalisme, eux, ils disent quoi aux gens? Ils disent, il faut mettre la religion à l'écart. Il faut exclure la religion du nationalisme. Hein? Au début, par exemple, au Québec, ici, il y avait toujours une forme de nationalisme entre les Anglais puis les Français. Mais au début, c'était relié à la religion, parce que les Français étaient catholiques et les Anglais étaient protestants. Et donc, il y avait toujours cette opposition-là entre les deux, à cause justement de la religion. Et la raison pour laquelle les Québécois hein, ce qu'on appelle aujourd'hui Québécois. À l'époque, on ne disait pas les Québécois, on disait les Canadiens français. Hein? La raison pour laquelle ils étaient toujours restés séparés, c'est à cause de la différence religieuse. Hein? Pas à cause de la langue seulement. Parce que la preuve, il y a des anglophones qui sont catholiques aussi, hein? Des Irlandais qui sont catholiques. Et ils vivaient avec les Québécois, soi-disant avec les Canadiens français, ça. Et étant donné qu'ils étaient catholiques, ça dérangeait pas. Du moins, pas autant. Mais là, quand on a installé le nationalisme, ben maintenant, ça devenait plus possible d'utiliser la religion parce qu'ils ont rejeté la religion. Donc, ça devenait plus possible d'utiliser la religion comme prétexte ou comme raison pour supporter leur cause nationaliste. Et c'est devenu un combat maintenant purement linguistique, soi-disant. Ce qui fait que l'affaire est devenue encore plus futile, encore plus ridicule. Hein? De vouloir faire un pays juste parce qu'on parle pas, juste parce qu'on parle pas la même langue. Mais c'est un petit peu absurde parce qu'une langue, ça s'apprend, hein? Ala kulli hal, le cheikh, il dit, donc ils ont dit, les nationalistes arabes, ils ont dit, et les autres, il faut exclure la religion. Et ils ont dit après, il faut exclure la religion de l'État et de la politique. Et il faut que on se réunisse autour de nous-mêmes et de notre nationalité, hein, pour qu'on puisse gagner et retrouver nos intérêts et retrouver notre gloire, hein? Comme si l'islam était dans leur chemin et les empêchait d'arriver à leur objectif et de retrouver leur gloire. Et ça, il n'y a pas de doute, comme le cheikh il le dit, que ça fait partie de l'ignorance et de la tromperie. Et c'est d'inverser le problème. Et c'est un grand blasphème. Hein? Allah al-Musta'an. Et donc le cheikh il dit: Wal-ayatu dallatu ala wujubi muwalati al-mu'minin wa mu'adati al-kafirin wa at-tahdhir min tawallihim kathiratun la takhfa ala ahli al-Qur'an. فلا ينبغي أن نطيل ذكرها وكيف يجوز في عقل عاقل أن يكون أبو جهل وأبو لهب وعقبة ابن أبي ابن أبي معيط وعقبة ابن أبي معيط والنضر ابن الحارث وأضرابهم من صناديد الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى يومنا هذا إخوانا وأولياء لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة ومن سلك سبيلهم وسلك سبيلهم من العرب إلى يومنا هذا. هذا والله من أبطل الباطل وأعظم الجهل وشرع القومية ونظامها يوجب هذا ويقتضيه وإن أنكره بعض دعاتها جهلا أو تجاهلا وتلبيسا فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Et donc le cheikh là il donne un bon point, encore une fois. Il explique, il dit que premièrement, les versets qui indiquent l'obligation pour les croyants de prendre les croyants comme alliés et de les aimer, et de prendre les koufars comme ennemis, et de les détester pour Allah, et de mettre en garde contre le fait de les prendre pour alliés également, il y en a de nombreux versets comme ça. Et ça, c'est des choses qui n'échappent pas aux gens qui lisent le Coran. Il dit donc qu'on n'a pas besoin de s'attarder trop longtemps à les mentionner, parce que c'est connu. Il dit, alors comment serait-il possible, comment serait-il permis pour une personne qui détient hein, une logique, une raison, de considérer Abu Jahl et Abu Lahab, ainsi que Uqba ibn Abi Mu'id et An-Nadr ibn al-Harith, ainsi que d'autres parmi leurs semblables, parmi les têtes des kuffars à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après, jusqu'à notre jour, comment est-ce que ce serait possible que ces gens-là soient considérés comme des frères et des alliés de Abu Bakr et de Omar et de Othman et de Ali et du reste des sahaba, ainsi que ceux qui ont suivi leur voie parmi les Arabes jusqu'à nos jours? Il dit ça, il n'y a pas de doute par Allah que ça fait partie des plus grandes formes de fausseté et des plus grandes formes d'ignorance. Et il dit que, par contre, la législation des nationalistes ainsi que leur système implique cela et impose cela. Même si certains d'entre leurs prêcheurs refusent d'accepter ça par ignorance ou parce qu'ils font semblant, hein, ou parce qu'ils veulent mélanger le vrai et le faux, hein, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Et le cheikh il dit wa qad awjaba Allahu 'ala al-muslimin an yatakatafu wa yatakattalu tahta rayat al-islam wa an yakunu jasadan wahidan wa bina'an mutamasikan ضد عدوهم وعدوهم على ذلك ضد عدوهم وعدوهم على ذلك النصر والعز والعاقبة الحميدة. Non. Je m'excuse. Cheikh il dit وأن يكونوا جسدا واحدا وبناء متماسكا ضد عدوهم ووعدهم على ذلك النصر والعزة والعاقبة الحميدة كما تقدم ذكر ذلك في كثير من الآيات وكما في قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا الآية. وقال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فوعد الله سبحانه عباده المرسلين وجنده المؤمنين بالنصر والغلبة واستخلافهم في الأرض والتمكين لدينهم وهو الصادق في وعده وعد الله لا يخلف الميعاد وإنما يختلف هذا الوعد في بعض الأحيان بسبب تقصير المسلمين وعدم قيامهم بما أوجب الله عليهم من الإيمان والنصر لدينهم. كما هو الواقع فالذنب ذنبنا لا ذنب الإسلام فالذنب ذنبنا لا ذنب الإسلام والمصيبة حصلت بما كسبت أيدينا من الخطايا كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالواجب على العرب وغيرهم التوبة إلى الله سبحانه والتمسك بدينه والتواصي بحقه وتحكيم شريعته والجهاد في سبيله والاستقامة على ذلك من الرؤساء وغيرهم فبذلك يحصل لهم النصر ويهزم العدو ويحصل التمكين في الأرض وإن قل عددنا وعدتنا. ولا ريب أن من أهم الواجبات الإيمانية أخذ الحذر من عدونا وأن نعد له ما نستطيع من القوة وذلك من تمام الإيمان ومن الأخذ بالأسباب التي يتعين الأخذ بها ولا يجوز إهمالها كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وليس للمسلمين أن يوالوا الكافرين وأن يستعينوا بهم إلى آخره. Donc on va traduire ce point, ce dernier paragraphe, et puis on s'arrête pour aujourd'hui à ceci, inshallah. Le cheikh explique que Allah Azza wa Jal a rendu obligatoire pour les musulmans de s'unir sous la bannière de l'islam et d'être un seul corps et d'être une seule construction qui se tient et que se supporte, chaque partie supporte l'autre contre leur ennemi. Et Allah Azza wa Jal leur a promis, s'ils font cela, la victoire, la puissance et la bonne conclusion. Comme cela a été mentionné dans plusieurs des versets qu'on a déjà cités, et entre autres le verset dans Sourate An-Nur, le verset 55, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie « Et certes, Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres, qu'ils allaient leur donner la succession sur la terre, comme il l'a donné à ceux qui étaient avant eux, et qu'il allait leur donner le pouvoir, où il allait donner la stabilité à leur religion, qu'il a agréée pour eux, et qu'il allait leur changer leur situation de crainte en situation de sécurité. Et la condition, c'est qu'il m'adore moi seul et qu'il n'associe rien avec moi. Et ça, c'est un verset clair. Et le verset dans Surat As-Saffat, le verset 171, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie « Certes, notre parole a précédé pour nos serviteurs parmi les messagers qu'ils seront les victorieux et que nos armées seront celles qui seront qui auront le dessus. » Donc Allah, le cheikh dit, Allah Azza wa Jal a donc promis la victoire à ses serviteurs messagers et à ses armées de croyants. Il leur a promis la victoire et d'avoir le dessus sur les ennemis et de leur donner la succession sur la terre ainsi que la stabilité dans leur religion. Et ça, c'est une promesse qui est véridique de la part d'Allah. Comme il le dit dans le verset dans Surat Az-Zumar, le verset 20. Il dit la promesse d'Allah, Allah ne manque pas à sa promesse. Mais parfois, la promesse c'est-à-dire la promesse peut venir plus tard. C'est-à-dire la promesse d'Allah et son exécution peut être retardée à cause de certaines situations et certains manquements des musulmans. C'est-à-dire que lorsque les musulmans n'ont pas respecté leur part de l'engagement envers Allah et n'ont pas appliqué les obligations de la foi qui sont sur eux, justement de venir au secours de l'islam, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien, c'est une des causes pour lesquelles Allah Azza wa Jal retarde la victoire, puisque on n'a pas fait les causes nécessaires pour obtenir cette victoire et on n'a pas non plus et on s'est pas écarté non plus des causes de notre faiblesse. Et donc le péché, c'est notre péché à nous et non pas le péché de l'islam. Et c'est la faute à nous et non pas la faute de l'islam si on est faible. Et le malheur qui nous arrive, c'est à cause de ce que nos mains ont acquises comme péché. Comme Allah Azza wa Jal dit dans le verset 30, dans Surat Ash-Shura, lorsqu'il dit ce qui signifie, et il n'y a pas un malheur qui vous touche, excepté que c'est à cause de ce que vos mains ont acquises. Et il pardonne beaucoup. Et il pardonne beaucoup. Il pardonne beaucoup de vos fautes, malgré ça. Et l'obligation donc pour les Arabes et pour les non-Arabes parmi les musulmans, c'est de se repentir à Allah et de s'accrocher à sa religion et de s'en joindre les uns les autres à la vérité et de juger selon sa loi et sa législation, sa charia, et de faire le djihad et de lutter dans son sentier et de se tenir sur la droiture parmi les musulmans qui sont dirigeants ainsi que les autres qui font partie des dirigés et de dépenser tout ce qu'ils peuvent dans le bien pour obtenir la victoire et pour écraser leur ennemi et pour qu'ils puissent obtenir cette stabilité sur la terre. Et même s'ils ont un petit nombre et peu de moyens, il n'y a pas de doute que parmi les plus grandes obligations de la foi, c'est de prendre nos précautions vis-à-vis de l'ennemi et de préparer notre force avec ce que nous sommes capables. Et cela fait partie donc du fait de compléter notre foi que de prendre les causes nécessaires par lesquelles on est capable de prendre les moyens qu'on est capable pour arriver à ça. Et il dit, il n'est pas permis pour nous d'avoir de la négligence à ce sujet-là. Puisque Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 71 dans Sourate An-Nisa, « Ô vous qui avez cru », il dit ce qui signifie « Ô vous qui avez cru, prenez vos précautions ». Et il dit également dans le verset 60 dans Sourate Al-Anfal, ce qui signifie « Et préparez pour eux ce que vous êtes capable comme force ». D'accord ? Donc c'est bien entendu des paroles qui s'adressent ici aux responsables des musulmans, bien entendu les chefs d'État dans les pays musulmans qui ont cette responsabilité-là. Hein? Et que Allah Azza wa Jal les aide et les guide et leur donne leur droiture pour qu'ils puissent préserver la religion des peuples musulmans et de les garder sur la guidance et sur la foi et de prendre tous les moyens nécessaires justement pour établir cette religion dans le monde. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم